Rachel, par Henri Lavedan. C'était après le dîner au salon. Quelqu'un ayant laissé tomber cette phrase, on voit des choses bien étonnantes dans la vie. Bien étonnantes, vous avez raison, reprit le marquis de Silvesta. Et au milieu d'un très respectueux silence, détachant ses phrases une à une, avec recueillement, comme un espace les bouffées d'un cigare pour le mieux savourer, il débita l'histoire suivante. Il y a 12 ans, je rentrais d'un bal paré qu'avaient donné les deux Bibri, ou les deux Pradieux. Je ne me rappelle plus. Enfin, peu importe. J'étais en polichinelle. Un polichinelle méphistophélique, rouge-feu, que j'avais composé pièce à pièce et que j'ai porté pendant plusieurs saisons avec un succès. Ce costume restera. Me sentant la tête un peu lourde pour votre valser, j'avais à cette époque 50 ans, jeune gens. J'ai envoyé ma voiture, décidé à rentrer à pied. Rien n'est plus charmant et plus sain à la fois que ces retours nocturnes à cette heure fine et délicate entre toutes qui laissent deviner l'aube et la prépare. Plaisir de raffiner. Jouissance exquise du froid qui pénètre. Débauche de fraîcheur et charme des frissons. L'air glacé pique, fouette et grise, tire le sang du cœur aux pommettes, fait la démarche plus légère, comme si une loi mystérieuse obligeait le matin à donner à l'homme, ne fût-ce qu'un instant, le masque et les couleurs de la jeunesse qu'il n'a plus. Me voilà donc parti. Et vous me voyez enveloppé dans ma pelisse, mes deux bosses, pectorales et dorsales, saillant sous la fourrure, le chapeau pailleté en bataille. Mes deux jambes rouges dépassaient. Je montais les Champs-Élysées déserts. Nul autre bruit que le claquement de mes sabots sur le trottoir et parfois un sifflet lointain. Le ciel commençait à pâlir, se colorant, derrière l'arc de triomphe, de teinte verte, d'un vert de poisson. C'était miraculeusement joli. J'allais atteindre le rond-point lorsque j'aperçus à ma gauche une femme assise sur un banc. À ma vue, elle se leva et vint droit à moi. Je pensais que c'était sans doute quelque fille harassée que l'incohérence de ma tenue attirait. Et déjà, je pressai le pas, quand elle me dit d'une voix vibrante, bien timbrée, « Pardon, monsieur, pourriez-vous m'indiquer un bureau de police ?» Je m'arrêtai surpris. « Un bureau de police ? C'est le commissaire de police que vous voulez dire ?»« Oui, monsieur, justement. Et que lui voulez-vous ? C'est mon affaire. Mais il n'est pas visible à cette heure-ci. On n'ira pas le chercher pour vous. C'est tout au plus si, en cas d'incendie ou de crime, je veux lui parler. » « Menez-moi au commissariat ou donnez-moi l'adresse, si vous la savez. »« Madame, lui dis-je un peu intrigué, si vous le permettez, je vais vous y conduire. » Elle répondit, « Merci, et appelez-moi mademoiselle. » La regardant alors en face, attentivement, je m'aperçus que c'était une jeune fille de 17 ans ou plus, très belle, pâle et brune, avec le type juif nettement accusé. Elle était vêtue de noir, sans chapeau, n'ayant sur la tête qu'un fichu de laine. Elle marchait près de moi, sans parler ni tourner les yeux de mon côté, ne semblant même pas avoir remarqué l'étrangeté de mon accoutrement. En 10 minutes, nous fûmes rendus. J'entrai avec elle au poste où 3 sergents de ville ronflaient sur des matelas tout habillés. Et m'adressant à un brigadier qui écrivait à une table à la lueur d'une lanterne, « Pardon, mon ami, voici madame que j'accompagne qui désirait voir monsieur le commissaire pour lui faire une communication importante. » Le brigadier leva le nez, et à l'aspect de ma collerette, de mes deux bosses et de mon chapeau enrubanné fut exactement abruti. Puis flairant une plaisanterie comme on en faisait jadis au guet, à la maréchaussée, ses sourcils prirent une expression sévère. Mais aussitôt une porte s'ouvrit et un homme parut, accompagné de plusieurs personnes. C'était le commissaire qui, assisté d'agents bourgeois, venait d'opérer une descente dans un tripot. Je me nommais. Je lui contai la chose en 2 mots et nous passâmes tous 3 dans son cabinet. Il s'assit, tira de sa poche des lunettes qu'il mit, et se tournant vers la jeune fille avec un petit coup de tête sec, « Je vous écoute. »« Monsieur, » dit-elle simplement, « je viens me mettre entre vos mains. J'ai tué ma mère hier matin. » Je fis un bond sur ma chaise. Le commissaire se contenta de dire, « Quel a été le mobile de ce crime ? Veuillez me le raconter. » Elle se leva. « Je suis fille unique, juive comme mes parents. » Et j'aurai 17 ans le mois prochain. Je m'appelle Rachel Hopstein. Mon père est mort il y a 10 ans. Il était courtier en diamants. Depuis, je vivais seul avec ma mère. Nous ne recevions jamais personne. L'année dernière, je vis un jour à la maison un vieux monsieur pour lequel ma mère semblait avoir beaucoup d'égards et de respect. Elle me dit que c'était un riche banquier qui s'occupait de nos affaires. Elle ajouta, « Il faut l'aimer, il est très dévoué. » Il ne me plaisait pas beaucoup, mais à dater de cet instant, je lui fis bon accueil. Il ne s'écoulait pas une semaine sans qu'il nous rendît visite deux ou trois fois. Il restait des heures à causer avec ma mère tout bas, en me regardant. Ils avaient l'air de parler de moi, et discutaient souvent, comme des gens qui ne sont pas d'accord. On le gardait à dîner. Le soir, en partant, il m'embrassait dans les cheveux. Avant-hier, ma mère me dit « Tu sais, l'ami Abraham, entre nous, elle l'appelait toujours ainsi, il nous invitait à passer la soirée chez lui. Tu ne connais pas son hôtel, tu verras, c'est bien magnifique. » Vers 9 heures, nous partîmes en fiacre. La voiture payée, elle monta avec moi. Nous traversâmes deux salons. Puis elle passa dans une pièce à côté, me priant de l'attendre. Je restais seul, 10 minutes, un quart d'heure, une demi-heure, ne comprenant rien. Je me levai pour m'en aller quand le gars s'éteignit et dans l'obscurité, deux bras me saisirent à tâtons. « Je vois, » dit le commissaire. « Quand et comment êtes-vous sorti de cette maison ?» Elle continua sans répondre à son interruption. « J'étais d'une entière ignorance, monsieur. En un instant, ce fut comme un rideau qui se déchire. Je compris qu'elle m'avait vendu, livré à l'ami Abraham, au riche banquier qui s'occupait de nos affaires, et qu'on m'avait prié d'aimer parce qu'il était très dévoué. Je ne me révoltais pas. Ni cris, ni larmes, je subis tout ce qu'il fallut en silence. Cette nuit est d'ailleurs si loin de moi que j'en ai perdu le souvenir et que j'aurai de la peine à retrouver ce qui s'est passé. À 8 heures du matin, je suis sorti de l'hôtel avec 2 bracelets, bien gagnés. Je ne sais plus ce que j'en ai fait. J'ai appelé une voiture, je me suis fait conduire à la maison, je suis entré dans la chambre de ma mère, mon cœur battait avec une violence. Elle était encore couchée. En me voyant, elle me dit « Eh bien ?» Je m'approchai de son lit. « Réponds, tu m'as vendu pour de l'argent ?» Je la pris par le cou et je serrai, en fermant les yeux sans m'arrêter, me raidissant quand je sentais les forces me manquer. Tout à coup, elle s'en alla, molle. J'ouvris les doigts. Elle était morte. Alors j'eus peur, et je me sauvais. Je marchais toute la journée dans les rues, au hasard. Je voulais me livrer à la justice, mais je ne savais pas où l'on s'adressait. J'ai rencontré monsieur il y a 1 heure, et voilà. Je pris congé du commissaire. Je rentrai chez moi, toujours en polichinelle. Et pendant plusieurs nuits, il me fut impossible de fermer l'œil. Je revoyais Rachel étranglant sa mère, une vieille avec des cheveux gris frisottés. L'affaire passa aux assises quelques mois plus tard. Je dus même déposer comme témoin. La juive fut acquittée et ma foi, conclut le marquis de Sylvesta. Je trouve que les jurés ont bien fait, car c'était une jolie fille. Alors, s'établissant à la cheminée dans une attitude définitive, un vieux magistrat commença. Mais c'est monstrueux ce que vous dites là. Et d'abord, si vous vous placez au point de vue judiciaire. C'était Rachel par Henri Lavedan.